Le souffle est léger, l'air parfumé, le ronron du frigo, le blabla de la radio berce nos murs blancs et doux comme de la craie. C'est bientôt l'été, midi passé, la fenêtre est ouverte sur la petite cour déserte. Le calme s'empare de moi jusqu'au doigt de pied. Je suis là, tu n'y es pas, je t'attends, tu viendras. Pendant ce temps, je flotte sous notre toit. Tu travailles, je suis là, je m'occupe, ça et là, en attendant qu'un gagne-pain soit pour moi. Je tourne en carré, pas inspiré, je voudrais te faire plaisir, je vais aller cueillir trois petites fleurs dans la cambrousse à côté, les chemises à repasser, pas terminé. Il y a des jours décousus où je dis que je suis perdu, ton sourire vient alors tout balayer. Je suis là, tu n'y es pas, je t'attends, tu viendras. Pendant ce temps, je flotte sous notre toit. Tu travailles, je suis là, je m'occupe, ça et là, en attendant qu'un gagne-pain soit pour moi. Mais certaines journées, mal éclairées, le gris s'empare de moi, le noir emboîte son pas, me voilà si facilement tourmenté. Je vois pas le bon côté de tout ce qu'on fait. Ça te met un peu à mal que je m'amuse de que dalle, toi qui crois en ton Pierrot révolté. Je suis là, tu n'y es pas, je t'attends, tu viendras. Pendant ce temps, je flotte sous notre toit. Tu travailles, je suis là, je m'occupe, ça et là, en attendant qu'un gagne-pain soit pour moi. Mais faut me calmer, pas divaguer, faut que je cramponne mes rêves pour arrêter cette trêve. Mon stylo glisse alors sur le papier, moi aussi, je sais jouer. Je vais composer des rimes pour tous les jours, la vie, la mort, l'amour, jusqu'à ce que je décolle, et là je t'emmènerai. Je suis là, tu n'y es pas, je t'attends, tu viendras. Pendant ce temps, je flotte sous notre toit. Tu travailles, je suis là, je m'occupe, ça et là, en attendant qu'on aille loin, toi et moi.